Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une odyssée musicale entre la France et l'univers. Daft Punk, deux hommes robots dont le grand public ne connaît pas le visage et qui ont conquis le monde pendant 30 ans. En seulement 4 albums et 2 tournées, le duo a marqué les imaginaires de son époque, et pas seulement musicalement. Car les Daft Punk revendiquent une approche artistique, disons, transversale, où se mêlent musique, cinéma, art visuel, communication, scénographie, une volonté de bousculer les codes et le système dans lequel ils évoluent. Dotés d'un sens aigu du marketing, à l'ère d'Internet, qui a fait d'eux des robots au succès planétaire, adorés du public et respectés par leurs pairs, les Daft Punk s'inscrivent d'ores et déjà dans l'histoire de la musique contemporaine. Une aventure qui a pris fin en février dernier, le jour où ils ont annoncé qu'ils se séparaient, une bombe. De leur chambre d'ado parisienne aux charts américains, des rêves partis des années 90 au Festival de Cannes, retour sur le parcours des Daft Punk, groupe aussi intrigant que fulgurant. Notre invité aujourd'hui, David Blo, animateur du Nova Club, le salon musical de Radio Nova. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Exclusively Daft Punk's Homework. 1986, la droite revient au pouvoir, Daniel Balavoine meurt dans un accident d'hélicoptère, Tchernobyl explose, l'équipe de France de football tombe une nouvelle fois devant les Allemands en demi-finale de la Coupe du Monde, Semestrius Horribilis. Cette année-là, deux jeunes garçons de 12 et 11 ans, Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter, qui ne sont pas forcément secoués par cette actualité, se rencontrent au très comme il faut collège Carnot dans le 17e arrondissement de Paris. Une amitié qui durera jusqu'au lycée. En 1991, Thomas et Guyman, comme ils préfèrent qu'on l'appelle, créent le groupe de rock Darling, en hommage à la chanson des Beach Boys, en trio avec un troisième larron, Laurent Brankovitch, futur guitariste du groupe Phoenix. Ils n'ont que 16 et 17 ans, 6 répètes et 2 concerts dans les jambes, mais le label indépendant anglais Diophonix sort 2 de leurs morceaux, oui, sur une compilation. Bon, c'est pas vraiment un succès, et la seule chronique que la presse britannique leur consacre est loin d'être élogieuse. Ces morceaux, c'est de la Daft Punky Trash, autrement dit, de la merde punk et idiote, écrit le journaliste du magazine Melody Maker. Qu'à cela ne tienne, Daft Punk n'existe pas encore, mais le nom est déjà là, et l'inspiration aussi, comme l'explique Thomas Bangalter, l'un des deux bras du duo à venir. En fait, le groupe qu'on a fait avant, il a duré à peu près un an. À l'époque où on a fait ce groupe, on commençait déjà à être tenté par d'autres styles de musique. Et en fait, on était vachement fans de tout ce qui se passait en Angleterre, des groupes indépendants. Ça, c'était le mouvement indie, la noisy pop, des groupes comme ça. Et ils commençaient, eux, à laisser rentrer dans leur musique de l'électronique et des influences électroniques de la house de l'époque. Et donc, c'est pour ça, quand on a découvert la musique électronique qui venait dans le rock et qui nous intéressait aussi, et qu'on a vu qu'en plus, les soirées, c'était vraiment dansante, plus rave, et ce côté où vraiment le public réagit et danse et s'amuse vraiment, ça nous intéressait plus, à cet âge-là, d'aller dans ces soirées en plus de la musique qu'on aimait, quoi. L'énergie des fêtes house et techno Guyman que vous venez d'entendre et son compère Thomas l'ont découverte le 10 novembre 1992 lors d'une rave, une soirée techno organisée sur le toit du centre Georges Pompidou, la première d'une longue série de fêtes à Paris et à Londres et Ibiza qui les amène à délaisser basse et guitare rock. Avec l'argent que Thomas Bangalter a reçu pour ses 18 ans, les deux compères installent dans la chambre de ce dernier de console de mixage, échantillonneurs et séquenceurs. Les Daft Punk sont nés. C'est le début d'une épopée façon science-fiction qui durera 30 ans. Thomas Bangalter a 20 ans, Guy Manuel de Homem Christo 21. Les deux de Daft Punk sortent sur un label écossais, Daft Punk Rolling and Scratching, un titre qui va faire danser les clubbeurs de toute l'Europe. Un succès d'initié dont se souvient celui qui deviendra bientôt leur manager, lui-même producteur de musique électronique, Pedro Winter. Dans la scène électro en Hollande, effectivement, leur nom commençait déjà à peser, puisqu'ils jouaient donc dans des soirées. Notamment une des soirées assez... importante pour du milieu des années 90 qui s'appelait Xanadu. Et ben Xanadu, c'était le type exactement de soirée comme ça qui était mi-rave, mi-club et qui avait réussi à réunir deux publics. Et Thomas Guiman, pour moi en tout cas, c'était des DJ emblématiques de ce genre de soirée où voilà, on en avait marre soit d'aller à 30 km de Paris pour aller s'enfermer dans des rêves ou traîner dans les clubs parisiens qui étaient toujours un peu la même chose, des carrés VIP, les boissons très chères ou et c'est ce dont on avait tous ce besoin et envie à cette époque-là. Et donc oui, effectivement, le nom de Daft Punk faisait déjà rêver. À l'époque, les autorités portent sur la culture techno un regard teinté d'incompréhension et d'inquiétude. En 95, le ministère de l'Intérieur distribue au préfet une circulaire intitulée « Les soirées rêves, des situations à haut risque ». Un texte qui caricature le mouvement techno, l'accusant notamment d'être de repères de dealers. Des dizaines d'événements techno, souvent déclarés légalement, sont alors annulés et au dernier moment. Mais tandis que le gouvernement d'Alain Juppé tente de mettre un frein à la progression de cette culture-là, les professionnels du monde de la musique l'envisagent, eux, avec un intérêt tout particulier. Car les musiques électroniques décollent au cours des années 90. Chez les disquaires, les ventes de disques techno augmentent de 100% chaque année. Et rares sont les événements musicaux qui attirent autant de monde que les rêves. Il ne faudra donc pas longtemps pour que les majors s'intéressent à Daft Punk, l'une des étoiles montantes de ce mouvement. Et c'est Virgin qui rafle la mise en 96. Parachuté manager des Daft Punk, Pedro Winter se souvient. Effectivement, tout le gratin des A du monde entier leur courait après. Je ne sais pas exactement si c'est Virgin qui a gagné la mise parce qu'ils ont mis le plus de pognon sur la table. Je ne pense pas que c'était ça l'objet principal des négociations. C'était justement de négocier un contrat un peu particulier qui laissait au groupe, à Daft Punk, un contrôle total artistique, d'une part, et aussi d'une certaine façon économique, puisque Thomas Guimanuel, sur les bons conseils du père de Thomas, un gros producteur des années 70 qui connaissait très bien les rouages du music business, et donc qui a donné évidemment des conseils à son fils. Et donc Thomas Guimanuel, c'est vrai qu'ils avaient déjà une vision plutôt claire du modèle de business dans lequel ils avaient envie d'évoluer. Et donc ils ont un peu donné la direction de leur contrat à Virgin. Virgin a été malin d'accepter et de décrire finalement un espèce de nouveau business model avec Daft Punk et qui a essayé de faire bouger les choses à sa façon. Absolument, la maison de disques s'occupera de la fabrication, de la distribution et de la promotion de leur travail, mais les Daft Punk resteront propriétaires de leurs chansons. À 21 et 22 ans, Thomas et Guimanuel savent négocier. Une gestion de carrière qui intrigue et qui impressionne ceux qui les rencontrent. Mais ce qui va scotcher tout le monde, c'est le succès de leur premier album, Homework. Et c'est ainsi qu'en janvier 97, le grand public découvre Daft Punk. Recherché pour cause de succès mondial. À 20 et 21 ans, Thomas et Guimanuel, alias Daft Punk, ont déjà vendu 400 000 albums. Une musique post-moderne disco, entièrement fabriquée dans un appartement, à l'assaut de la planète, Virgin, la première compagnie à avoir investi dans la house parisienne, n'en revient toujours pas. C'est vraiment l'air du temps et ils ont un potentiel, une qualité musicale. Ils sont d'une intelligence qui fait... Ça m'étonne un peu, mais en même temps, je pense que... Il fallait que ça arrive, quoi. Pourquoi est-ce qu'on voit aucune photo nette de ces deux jeunes Parisiens? L'approche est différente que celle du rock, où en effet, vous avez l'artiste qui est la star, qu'on regarde en face. La techno, c'est une autre démarche. C'est des musiciens derrière des instruments, des machines. Et c'est pas tellement les personnages en eux-mêmes qu'on admire ou qu'on regarde. C'est vraiment la musique qui parle. Parole de spécialiste, Homework, le premier album de Daft Punk se vend 1 300 000 exemplaires en deux mois, dont 280 000 en France. Un succès commercial, mais aussi un succès critique. Globalement, l'album est salué par la presse généraliste, néophyte en termes de musique électronique, et par les journalistes spécialisés, et tout cela bien au-delà des clivages habituels. Eh oui, forcément, monument, morceau phare de l'album, le single Around the World, qui sort en avril 97, va faire le tour de la planète, comme son titre le présageait, et squatter pendant plusieurs semaines les boîtes de nuit et les top 50. Ses accents disco 70s, ce qui est inattendu quand même pour des producteurs affiliés à la techno et au rave party, et un clip marquant du réalisateur Michel Gondry, avec des chorégraphies de Blancali, vont en faire un tube mondialement connu. La même année, Daft Punk entame sa première tournée internationale entre l'Europe et les États-Unis, le Daft Andy Rick Tour. 75 concerts en un an, dans un contexte musical marqué par le succès croissant de la scène électronique française. Car dans le sillage de Daft Punk, et depuis quelques années déjà, de nombreux artistes de l'Hexagone s'exportent à l'étranger, réunis par la critique, notamment britannique, sous le nom de French Touch, la touche française. Bob Sinclair, Cassius, Étienne de Crécy, Laurent Garnier, Martin Solveig, Mojo, Saint-Germain, Air, Justice et bien d'autres encore, des producteurs aux styles très différents, pourtant réunis en une même famille musicale, dont les morceaux sont joués dans les discothèques du monde entier. La scène musicale électro est alors en pleine transformation. Les disques jockeys sont désormais aussi producteurs. C'est-à-dire qu'ils n'enchaînent pas seulement les disques des autres, lors de soirées, non. Ils composent également leurs propres morceaux. Et les médias commencent à comprendre ce qui se joue, car c'en est fini des amalgames entre techno et drogue. Désormais, comme dans son numéro de Voyage spécial, on cherche à comprendre avec davantage d'objectivité ce qu'on appelle la déferlante techno, comme le titre alors France 2. Bonjour, vous êtes à New York chez Vinylmania. On a plein de disques français ici. La France est en train d'exploser dans le monde. Là, vous avez un Alex Goffer. Je sais qu'il est très célèbre chez vous. Bien sûr, Cassius. Tout le monde connaît Cassius. On le trouve même en édition américaine maintenant. Stardust, ça a été incroyable. On a vendu des centaines et des centaines. Monsieur Oiseau, un autre Alex Goffer. La pochette est superbe. Les Français font de très belles pochettes, c'est pour ça qu'ils vendent beaucoup de disques, en plus de faire de la bonne musique. Comment pourrais-je oublier Bob Sinclair? Je devrais avoir un Daft Punk à vous montrer, j'ai tout vendu. En fait, on est toujours à court de Daft Punk. L'impact de la French Touch et de Daft Punk en particulier n'est pas seulement une affaire de spécialistes ou d'amateurs de vinyle. Dans les grands magasins de disques, leurs albums sont en tête de gondole. Et tandis que la musique électronique, et en particulier la techno, se démocratise, elle devient même une institution en France. Ainsi, en 98, Jack Lang soutient la création à Paris d'une techno-parade, inspirée de la Love Parade berlinoise, afin de promouvoir et populariser la culture électronique, tandis que M6 organise une rêve géante au Palais Omnisports de Bercy, filmée et retransmise en direct. Alors qu'au début de la décennie, les organisateurs de rêves parties risquaient la prison, la techno s'invite désormais à la télé, dans la rue et dans les festivals. Illustration avec son reportage au festival Astropolis en 1999, avec le DJ et organisateur de soirées techno Laurent O, ainsi que Thomas Bangalter de Daft Punk. Une rêve, c'est s'installer dans un lieu vraiment splendide, industriel ou pas. Ce qui est bien, c'est que c'est un lieu quand même détourné pour une nuit. On récupère un endroit, on récupère une atmosphère et puis on la transforme et on fait la fête dedans. Et c'est bien quand c'est un lieu magique qu'on découvre. Je vous emmène voir Thomas là, un petit peu comme ça, pour se mettre dans l'ambiance. C'est un rare artiste français à avoir vendu plusieurs millions de disques, de singles. C'est une vedette. Quand j'écoute à la radio anglaise un hit, et que je trouve ça vraiment bien, et puis par la suite j'apprends que c'est français, je suis assez fier. Même si c'est pas le style de musique que j'aime bien, le morceau Stardust, quand je l'écoute la première fois, je trouvais ça vraiment, vraiment terrible. Le matin, quand c'est passé sur BBC, je dansais au petit déjeuner, et ça me fait vraiment plaisir. Alors que Daft Punk connaît le succès un peu partout dans le monde, Thomas Bangalter continue donc de mixer dans les rêves de façon confidentielle, oui, comme pour garder un lien avec les soirées underground de ses débuts. Car les Daft Punk, c'est aussi et surtout ça, une volonté de bousculer les codes du star system en conservant tout entière leur liberté, le meilleur antidote à la grosse tête. Dès leur premier album, en 97, ils choisissent par exemple de se grimer lors des interviews filmées, des séances photos. Tout ça pour garder l'anonymat. Pas encore de casque ni de robot, mais des masques et des déguisements divers inspirés par le film Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Pour les deux Parisiens, C'est une façon de mener une vie normale, mais aussi de se mettre, en avant leur art, et pas de se mettre en avant. Aux journalistes qui les questionnent sur ce choix, ils parlent fiction, cinéma, expérimentation, création, loin du tout à l'ego qui sévit dans les professions artistiques, entre autres. Et le duo ne bouscule pas seulement les règles d'un point de vue esthétique. Rapidement, les Daft Punk vont aussi s'attaquer aux institutions qui régissent le monde de la musique. Oui, la SACEM d'abord, la société qui gère les droits d'auteur en France depuis 1851. Au terme d'un long bras de fer juridique entamé dès 1996, les Daft Punk vont pouvoir gérer une partie de leurs droits, tous les droits monde, visionnaires ou bien conseillés par le père de Thomas Bangalter, lui-même producteur de musique. Ils ont conscience qu'Internet s'apprête à changer la donne en termes de mondialisation et ils entendent en profiter. En 99, le duo va aussi mener devant la justice une procédure après que la chaîne a utilisé sans autorisation plusieurs de leurs morceaux, dont Révolution 909. Je parle de la chaîne France 2. Ils ne demandent pas d'argent, non. Des excuses simplement, des excuses à la télé. Et c'est finalement la French Touch. C'était cette attitude-là, incarnée par Daft Punk, contestataire et révolutionnaire, loin de l'obsession du fric. Affaires sensibles sur France Inter. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Homework, le premier album des Daft Punk, se vend en 2001 à 2 millions d'exemplaires en France. Autant dire que pour la maison de disques, c'est pari réussi, et au-delà même. Mais Virgin va devoir prendre son mal en patience, car Daft Punk n'entend pas surfer sur ce succès. Guy Manuel et Toba, qui ont désormais 26 ans, préfèrent prendre leur temps. On est lent, disent-ils, oui, ils le revendiquent, dans les pages de Libération cette année-là. Une démarche à contre-courant, étendard de la liberté des Daft Punk, qui va évidemment susciter l'impatience du public. Mais le 12 mars 2001, ça y est, ils sont prêts. Trois ans après Homework, le duo sort Discovery, son deuxième album. Thomas Bangalter le présente ainsi au micro de Cyril Sauvageau sur France Inter. Il y a trois ans, le succès planétaire de Homework ouvrait la porte à toute la musique électronique française. Depuis, les choses ont changé. Thomas Bangalter, la moitié de Daft Punk. Ce premier album qui était peut-être un manifeste de notre part pour cette acceptation de la musique électronique, on ne voulait pas vraiment refaire la même chose et avoir une approche un peu différente et de garder un côté dansant mais en essayant de travailler des fois avec des vocaux, avec des voix et à la fois de continuer à innover parce que l'innovation c'est une des seules valeurs avec l'ouverture d'esprit et la liberté qui est importante pour nous. La techno est maintenant acceptée par la majorité, alors pour les Daft Punk, il s'agit de faire autre chose, de pas s'installer comme des sénateurs. Non, innover, en revisitant les grammaires musicales du passé, notamment la pop et la musique disco. One More Time, le premier morceau de Discovery, est à l'image de l'album. Une voix corrigée, déréalisée par un sample d'Eddie Jones, chanteur américain méconnu, et des résonances disco efficaces, tout cela va toucher le cœur dansant du public. Ou pas. Car malgré son succès immédiat, Discovery va aussi trouver ses détracteurs, tant chez les fans que dans la presse musicale underground, comme généraliste. Avec ce disque pop, les Daft Punk sont accusés par certains d'avoir vendu leur âme au diable en opérant un virage commercial. Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter s'en défendent. Ils affirment au contraire porter les mêmes valeurs qu'à leur début. L'indépendance, le jeu et l'humour dans un album qu'ils disent nourri de leurs souvenirs d'enfance. Un disque de grands enfants donc, mais des enfants de leur temps, qui comprennent et qui maîtrisent ces évolutions numériques. À l'époque, en 2001, c'est le début du piratage sur Internet. Le logiciel Napster, pionnier du genre, effraie alors l'industrie musicale puisqu'il permet d'échanger gratuitement des chansons sans rétribution aucune pour les artistes ou leurs maisons de disques. C'est pour contrer cette tendance et encourager l'achat de leur album que les Daft Punk vont imaginer le Daft Club, accessible via une carte de membre glissée dans chaque boîtier de Discovery et qui donne accès à des clips et à des chansons inédites afin de fédérer les fans autour d'une communauté exclusive. Guy Manuel et Thomas n'ont décidément besoin de personne. Eux-mêmes ont pensé financer cette opération de communication. Car Daft Punk, ce n'est pas seulement un groupe de musique, comme ses membres l'expliquent au journal de Libération en 2001, ils disent. Ce qu'on appelle le marketing fait pour nous partie de la création. La pub, les clips, la communication en général sont des médias qu'on aime explorer. Et tant mieux si cela finit par créer un univers global intéressant. Thomas Bangalter, sur RFI. Encore une fois, on va pas dire qu'on fait de la musique par accident, mais c'est vrai qu'on a commencé à faire de la musique alors qu'on aime la création en général, on aime le design, le cinéma, la culture, plein de choses différentes. Et on peut vraiment considérer que la musique, c'est un vecteur autour duquel plein d'arts peuvent circuler comme des satellites un peu. Et pour nous, c'est vraiment l'occasion de découvrir plein de domaines d'activité. Ça nous a amené à produire un DVD, à rencontrer des gens qui travaillent dans des sociétés d'effets spéciaux, dans des sociétés de design. Là, en ce moment, on est allé au Japon souvent parce qu'on fait un clip en dessin animé avec le créateur d'Albator. Pour nous, c'est un passeport vers plein de découvertes aussi, quoi. Le clip que Thomas Bangalter évoque en 2001 sur RFI deviendra finalement un film d'animation présenté au Festival de Cannes en 2003, s'il vous plaît. Interstellar 55-55, The Story of the Secret Star System. L'album Discovery y accompagne les dessins de Leiji Matsumoto, le créateur du manga Albator, dans un film de science-fiction d'une heure sans dialogue. Des musiciens extraterrestres, kidnappés par un méchant producteur de musique, deviennent des stars sur Terre contre leur gré. Le film, qui est un succès, fait taire les dernières critiques qui subsistaient autour du deuxième album des Daft Punk, Discovery, et il installe durablement dans les esprits l'esthétique futuriste du duo. Car si les Daft Punk se griment depuis leur début pour garder l'anonymat, désormais, ils sont devenus des robots. Au micro de Didier Varro, sur France Inter, Thomas Bangalter résume ainsi le rapport du groupe aux machines. Le robot, c'est la métaphore de la technologie et notre processus créatif et notre création est totalement dépendant de cette technologie. Donc on a une relation d'amour et de haine avec ça. Et on est un peu comme ça les opérateurs de ces outils. Et c'est vrai qu'on je me demande si on repart à la case Darlene et au groupe qu'on avait avec deux guitares et une basse, enfin, je pense pas qu'on aurait pu faire grand chose sans cette technologie qu'on aime et qu'on déteste et qui nous terrifie à la fois. Mais c'est cette dépendance peut-être qui nous gêne, mais c'en est devenu notre sujet de prédilection favori. Le 14 mars 2005, 4 ans après l'album Discovery, les Daft Punk reviennent avec Human After All, leur troisième opus. Les robots veulent prouver qu'ils sont aussi des humains, de chair et d'os, de sueur et de cœur. Un disque presque rock, composé et enregistré en 6 semaines à peine, comme pour montrer que, malgré la sophistication du concept, Daft Punk, les deux stars, sont restés des adolescents rockers, à l'énergie brute et sans chichi. Notre album parle de lui-même. C'est la seule chose que les Daft Punk diront de leur disque à sa sortie, refusant les interviews et autres apparitions médiatiques. Un système savamment orchestré, mais un troisième album qui divise. Expérimentale de la déshumanisation qu'engendre notre société, d'autres regrettent un disque qu'ils disent répétitif et incompréhensible. Une tâche dans la carrière des Daft Punk, un passage à vide, dira même France 2 quelques années plus tard. Pourtant, en 2006, un an après la sortie de l'album Human After All, le duo français va prouver au monde qu'il n'est pas du genre à négliger sa discographie. Les robots sont bien les stars que leurs fans adulent, et ils vont le prouver en un concert. À Coachella, en Californie, dans l'un des plus gros festivals de la planète. Les Daft Punk se produisent après 10 ans d'absence sur scène. Ils sont en retard ce soir-là, alors que 40 000 personnes les attendent avec impatience sous un immense chapiteau. Et finalement, les premières notes du concert retentissent dans le noir. Deux silhouettes casquées font leur apparition au milieu d'une immense cage de lumière en forme de pyramide. Pendant plus d'une heure, les Daft Punk enchaînent et mélangent les morceaux de leurs trois albums lors d'un spectacle qui restera mythique. Car les deux Français ne se contentent pas de jouer leurs morceaux pour faire danser la foule, comme de simples DJ. Du haut de leur pyramide, ils proposent une scénographie grandiose que les amateurs de musique électronique n'ont pas l'habitude de voir à l'époque et qui sera bientôt une inspiration pour beaucoup d'artistes. Un concert suivi d'une tournée mondiale en 2007 que Thomas Bangalter, le plus disert des Daft Punk, décrit ainsi sur France Inter. Je pense qu'on a essayé vraiment de faire quelque chose de totalement différent. On s'est dit, voilà, on va privilégier le concert comme une expérience globale et un spectacle. Et un spectacle aussi musical que visuel, avec peut-être moins de volonté d'improvisation, plus que de créer une partition comme on en parlait tout à l'heure, où il y a vraiment une narration qui est abstraite, mais où on part d'un point A pour arriver à un point B. Et où cette expérience, on imaginait effectivement avec cette nouvelle technologie qui n'existait pas il y a 10 ans avec les processeurs des ordinateurs qui se sont démultipliés comme ça, de se dire voilà, on peut combiner la lumière, le son, l'image, réutiliser des éléments qu'on a fait pour créer quelque chose de nouveau. Après la tournée de 2007 et sa pharaonique scénographie que les Français découvrent à Bercy, une nouvelle fois, les Daft Punk vont aller là où on ne les attend pas. Car ils ne vont nulle part, en fait. En tout cas, discographiquement parlant. Les robots disparaissent des radars musicaux pour bientôt réapparaître sur les écrans de cinéma. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo présentent au Festival de Cannes leur premier long-métrage en tant que réalisateur, long-métrage titré « Electroma ». Deux robots casqués y mènent une enquête, et même une quête, surtout une quête, devenir humain dans un monde qui les rejette. Le film n'est diffusé, et c'est leur souhait, que dans un seul cinéma en France, celui du Panthéon à Paris, tous les jours, à minuit, pendant un an. Pour Guy-Man, l'un des deux Daft Punk, c'est dans le contraste entre ce film intimiste et leur concert grandiloquent que se trouve précisément l'essence du groupe. Quand on prend un concert comme celui-là, particulièrement à Bercy, où c'était une expérience vraiment très forte de la part des gens, nous on a fait de notre mieux, mais ils ont rendu beaucoup de ce qu'on leur donnait. Et puis Electroma, qui est totalement sans musique de nous, est vraiment un film avec beaucoup de silence et entrecoupé de musique et d'instrumentaux. Je pense que les deux opposés se complètent bien et... Et il y a aussi un rapport entre Electroma, qui est finalement beaucoup plus underground que ce qu'on peut faire musicalement ou en concert, où les concerts sont pleins. Bon, je pense qu'on est très content aujourd'hui que notre actualité, entre guillemets, soit ce concert qu'on fait, cette tournée qu'on fait depuis un an et demi, et ce film qu'on a fait il y a 2 ans et qui est projeté un peu partout dans le monde, mais avec un côté très confidentiel, dans des petites salles. On est content d'avoir ce grand écart entre les deux. En 2010, c'est encore au cinéma que les Daft Punk font parler d'eux avec la sortie d'un film de science-fiction produit par Disney, Tron Legacy, dont ils ont composé la bande originale pour l'Orchestre Philharmonique de Londres. De la musique non électronique donc, pour la première fois, et plutôt bien accueillie par la critique. Et si Tron Legacy fait office tant qu'à, les fans des Daft Punk attendent autre chose qu'une bande originale. C'est en 2013, après plus d'un an de rumeurs et de démentis, et 7 ans après Human After All, que le duo va donc sortir son 4e album. Le 2 mars, la chaîne américaine NBC diffuse durant l'émission Saturday Night Live un teaser de 15 secondes qui enflamme les fans et la toile. Et c'est officiel, les Daft Punk reviennent sur le devant de la scène. Et après 20 ans passés à lier musique et communication, ils savent comment monter une mayonnaise. 6 semaines après ce premier teaser, 1 mois avant la sortie de l'album, le titre Get Lucky est dévoilé. Immédiatement, c'est le buzz. Le morceau coécrit et interprété par le chanteur Pharrell Williams et le guitariste Nile Rodgers devient numéro 1 des ventes iTunes dans le monde en une seule journée. Sur le web, les internautes s'en donnent à cœur joie pour signifier leur plaisir de voir les deux robots de retour. Reprise, parodie, remix de Get Lucky pullule jusqu'à l'épuisement. Certaines oreilles grincheuses regretteront également le battage médiatique autour de cette chanson qu'on entend effectivement partout. Le 17 mai 2013, Random Access Memory, le 4e album studio des Daft Punk, sort enfin. Pour l'occasion, ils se sont bien entourés et le succès est immédiat. Analyse d'Isabelle Pasquier au journal de 7h sur France Inter. Dans les années 90, les deux garçons de Daft Punk voulaient prouver qu'ils pouvaient nous faire rêver avec des machines et enregistrer un disque interstellaire dans leur chambre. En 2013, les papas de la French Touch s'offrent des prestigieux studios à New York, Los Angeles et Paris et font appel à des vraies voix, des vrais instruments et un plongeon disco-funk du côté de Michael Jackson, Steely Dan et Eagles, mais avec la voix de Pharrell Williams, star du R&B. Cet album, c'est une longue balade de 73 minutes dans les plis de la mémoire musicale de leur adolescence. Et pour ça, ils ont fait appel à des icônes des années 70. Giorgio Moroder, le grand guitariste Nile Rodgers, et ce casting nostalgique rencontre Pharrell Williams, Chili Gonzalez et Julian Casablancas des Strokes. Alors question, où est l'émotion? Un peu dissoute, certes, dans certaines ambitions tendance péplum. Bilan, Daft Punk n'arrive pas à aussi bien saisir l'urgence, les vibrations du présent, comme ils l'ont fait à leur début. Mais dans cet album, il réussit à humaniser la technologie quand l'humain se robotise. Humaniser la technologie quand l'humain se robotise, alors que le panorama musical mondial a pris un virage électronique, et Daft Punk, eux, ont fait le choix inverse pour ce quatrième album. Pour la première fois, ils utilisent des instruments et ne samplent pas des extraits de morceaux des artistes qu'ils aiment, non, ils font directement appel à eux. Et le succès est, lui, sans appel. En 3 jours, l'album est classé numéro 1 dans 52 pays et gagne 5 Grammy Awards aux États-Unis l'année suivante. Les Daft Punk étaient des stars, ils sont devenus des superstars. Et les collaborations s'enchaînent, notamment avec Kanye West, et de nouvelles rumeurs se propagent à propos d'une éventuelle troisième tournée mondiale après celle de 97 et de 2007. Des rumeurs, rien que des rumeurs, qui nourrissent tant bien que mal l'attente, à nouveau. Car après le succès sans limite de Random Access Memory, le public escompte une cinquième surprise, un cinquième coup de maître, donc un cinquième album. Sur France Inter, dans son émission Blockbuster, Frédéric Sigrist et ses invités se languissent en 2020, 7 ans donc, après le dernier album de Daft Punk. Après la techno, le rock, la disco, la funk, la pop, que peuvent nous offrir les Daft Punk, se demandent-ils. Et alors, il y a l'album dont on a entendu un extrait, Get Lucky, qui est sorti, complètement différent des précédents, plus mélancolique aussi, plus organique, plus mélodieux. Et donc maintenant, ça va faire plus un pop. Moment. Oui, plus pop. Mmh. Ça va faire un moment qu'ils ont rien senti. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Daft Punk? Un album de reggae? Une surprise. qui sait? Ou de dub, puisqu'ils sont dans la musique répétitive. Non, pardon, je plaisante. Une surprise, du travail sur le son, des mélodies, de la funk. Je pense que le dernier album de Sébastien Tellier peut être, je crois que Guiman a participé de près ou de loin. Peut préfigurer d'un son, voilà, ils ont fait travailler avec The Weeknd. Je pense que Tellier, The Weeknd, on peut imaginer qu'il y a une ouverture de ce côté-là. Une surprise, des mélodies, espérait-on sur France Inter en 2020. Eh bien, c'est une surprise que vont offrir les Daft Punk à leur public, mais pas celle qu'ils attendaient. Le 22 février 2021, donc le 22 février dernier, le duo français publie sur son compte YouTube une vidéo intitulée « Épilogue ». 8 minutes extraites de son film de 2006, Electroma, dans lesquels un robot débranche le système électronique de son compagnon de route avant de s'enfoncer seul dans le désert. Derrière lui, son ami a littéralement explosé. Mais les paroles d'un morceau du dernier album des Daft Punk résonnent « Love is the answer ». « 1993-2021, dit la vidéo, résumant en quelques chiffres 28 ans d'une carrière qui a changé la face de la musique électronique en bousculant tous les codes. Malgré la gloire, ou peut-être à cause d'elle, qui sait, les Daft Punk se séparent sans prévenir. Et ce sera là leur ultime surprise, eux qui depuis les rêves partis de leurs 18 ans placent leur liberté au sommet de tout, au sommet de la pyramide. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. On a écouté deux fois d'ailleurs, tellement c'est monumental, dont le son la parole à notre invité David Blou. Bonjour. Bonjour. Animateur du Club Nova, le salon... Nova Club. Voilà, Nova Club, le salon musical de Radio Nova. Mm-hmm. Ça c'est bien Radio Nova, c'est pas Nova Radio. Non, bon. C'est Radio Nova, France Inter. D'accord. Oui, c'est pas Inter France. Alors, on va pas trahir nos deux amis, mm-hmm. puisque justement ils se sont non pas cachés derrière quelque chose, mais ils ont voulu garder un certain anonymat. On a compris pourquoi. Vous les connaissez, donc je vais pas vous poser de questions sur leur personnalité. Juste une chose, mais qui est publique, puisqu'on mm-hmm. vient de les entendre. Moi, ce que j'entends, c'est des artistes, des gens très intelligents. Oui, je pense, oui, aussi. Ouais. Sensibles et intelligents. Et dès leur jeune âge, d'ailleurs, on voit comment ils ont bien verrouillé les trucs par rapport à toute l'industrie autour. Bah, je pense qu'il y a eu d'un côté l'influence du père de Thomas Bangalter, oui, dont vous avez oui. parlé, qui lui connaît bien les rouages du business, qui lui aussi ne se montrait pas, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui a vendu énormément de disques en composant pour la Compagnie Créole ou Ottawa, des choses qui peuvent être très éloignées des Daft Punk. C'est moins qu'on puisse dire. À la fois, il y a le sens festif aussi qui était quand même en commun. D'ailleurs, Thomas Bangalter me disait que lui, ça le touchait, que le père était touché quand il allait à un bal populaire partout en France et qu'il entendait la Compagnie Créole. C'est marrant de voir 20-30 ans après, c'est Get Lucky qu'on entendait dans tous les bals populaires de France. Donc il y a comme une boucle pas. Donc il y a des rouages du business qu'il connaissait, puis aussi une énorme culture, pas que rock d'ailleurs, cinématographique, etc. Donc des gens comme Kubrick ont pu les inspirer dans l'anonymat ou des choses, enfin dans le rejet d'une médiatisation outrancière. Oui, l'ermite. Voilà. Donc c'est toutes ces petites choses qui les ont intéressés, ne pas refaire les mêmes pièges que certains musiciens ont pu faire dans l'histoire de la musique, et notamment dans la house. Vraiment, ça a été un champ de massacre au début de la house, de contrats foireux et de choses comme ça pour les musiciens de Chicago. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils voulaient pas refaire. Et de l'autre côté, être aussi comprendre les codes de ce qui, de la fascination que peut engendrer le mystère. Qui pour eux, ceci étant, je peux juste dire ça, c'était quelque chose d'essentiel humainement de ne pas être reconnu dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a eu un début, il y a un petit reportage, je crois en 94, qui avait été diffusé sur Canal+, où on les voyait physiquement en chair et en os. Et je me rappelle qu'en l'occurrence, Guy Manuel m'avait dit plus jamais ça. Ouais. Plus jamais on nous revoit comme ça à la télévision. Parce que c'est vrai que ça engendre des réactions complètement dingues de gens, même croisés dans la rue, qui d'un coup, on vous a vu à la télé et on vous regarde plus de la même manière. Imaginez s'ils avaient continué ça pendant 30 ans. Ils peuvent encore aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas les gens prendre le métro et personne ne sait que ce sont les Daft Punk, quoi. Et ça, c'est génial. Ben oui, on disait qu'ils étaient intelligents. Ben voilà. Ça sonnait une belle preuve quand même. C'est quand même pas tous les jours qu'un groupe de musique français se hisse sur le toit du monde. Ça, ça faut quand même le rappeler. Je crois que c'est la première fois. Mais la première fois, bien sûr. Les stars françaises, je vais pas remonter à la musique classique, mais c'est vrai que les stars françaises, c'était Edith Piaf ou Yves Montand et qui pouvaient aller aux États-Unis avec des petits papiers qu'on envoyait des fenêtres. Aznavour aussi. Aznavour, alors qu'ils disaient que c'était leur Sinatra. Eh ben voilà, Aznavour. Et effectivement, c'est un côté très français, un côté chanson française. Et je pense, bon, c'est un avis, je ne vais pas créer des polémiques, mais tout ce qui est de la pop culture post-années 60, la France a eu beaucoup plus de mal. On a copié ce que faisaient les autres. Bon, ça n'empêche pas de plein de personnalités et de talents vraiment importants, mais qui avaient du mal à s'exporter. Si on enlève un Gainsbourg, qui était peut-être une des exceptions, c'est très très très difficile. Et même quand la France a cartonné un peu à l'époque disco, c'était des gens, peut-être Céron, Jean-Michel Jarre, mais que les gens ne sentaient pas forcément le français à travers ça. Et pendant des... Par exemple, bon, j'ai rien contre téléphone, mais c'était le groupe rock français qui ne passait pas les frontières, très clairement. Bien sûr. Et il y a eu des petites choses dans les années 80, bien évidemment, mais la French Touch et Daft Punk en tête de gondole, ça a vraiment cassé les règles. Il n'y a plus de paroles. On est sorti de la chanson française à partir de là, et il n'y avait plus de code et on pouvait parler à l'international. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Comment vous interprétez-vous la French Touch? Qu'est-ce que c'est pour vous, la French Touch? Alors, c'est un truc un peu pointu, mais j'y vais un instant. French Touch, c'est définit un son exact qui s'appelle la house filtrée de Chicago. En termes de son, c'est quelque chose dont les Daft Punk sont énormément influencés dans le premier album. C'est le son des pionniers de la house de Chicago, où on prend un disque et on le filtre. Alors, c'est un peu compliqué. J'aurais du mal à trouver les mots, mais les fans voient. C'est-à-dire qu'on filtre les sons, ce qui permet de les remonter et d'exciter les gens. Ça, c'est ce qui pourrait définir le son French Touch. Mais quand on a dit ça, un groupe comme R ne fait pas du tout de la house filtrée, donc ça ne suffit pas comme définition. Non, je dirais que, d'abord, c'est les étrangers qu'on parle de French Touch, hein, c'est pas les Français. Alors, il y a eu le label F Communication de Laurent Garnier qui a utilisé cette formule, mais ceci étant, c'est vraiment une formule que les journalistes anglais... Nous, on a compris que la French Touch existait. Moi, personnellement, quand j'ai vu un DJ, c'est pointu ce que je veux dire, mais il s'appelle Tony Humphries, qui est un dieu de DJ du New Jersey, et qui mettait un disque de Saint-Germain, et c'est la première fois que je voyais un truc français dans un charts de club très très underground. Donc c'est les étrangers qui ont créé l'expression French Touch, et puis on s'est aperçu qu'on était dedans, puis c'était bien. Ouais. Vous avez commencé chez Radio Nova avec une rubrique sur les nuits parisiennes en 1992, au moment même où les Daft Punk découvrent les rêves parties, notamment par une rêve devenue célèbre, sur le toit de Beaubourg, où ils rencontrent les responsables de leur premier label. Vous y étiez? Celle-là, a priori, non. Mais les souvenirs sont, j'en ai fait des rêves à Beaubourg. Mais ouais. Celle-là, celle dont il parle, c'est la fête Soma avec Andrew. Je crois que j'y étais pas. Bon, à Paris, à l'époque, les responsables de Radio Nova, Radio FG et du journal Libération, alors vous voulez me dire si c'est vrai, auraient été accusés de complicité de trafic de stupéfiants pour avoir soutenu l'organisation de Rave Party. Ils ont été convoqués au Quai des Orfèvres. De mémoire, oui, bien sûr, il y avait une guerre. Mais je me demande si c'était pas le préfet Mariani, d'ailleurs. Enfin, je sais pas s'il était préfet, mais je crois qu'on parlait de circulaire Mariani à l'époque. Il faudrait vérifier ça. Bon, il a perdu, tout va bien, mais il y avait une guerre qui n'a pas tellement changé. Ce qui est bizarre, vous l'avez dit, à la fin des années 90, il y a eu une espèce d'institutionnalisation. Ce mot-là a été écrit, je l'ai rayé. Je me suis dit, il est imprononçable. Il est imprononçable, voilà, d'accord. Ça, c'est pour vous mettre à l'aise. Là, on est d'accord. Non, mais nous, ça nous a un peu gênés, les Daft, je ne sais pas. Nous, en tant que j'organisais les soirées Respect à l'époque, donc on voyageait dans le monde entier avec les Daft Punk pour organiser des soirées. Puis quand il y a une espèce d'un peu de récupération, on va faire une techno-parade, on s'est dit, vous étiez où pendant des années? Donc ça nous a pas. Le succès, il était partout ailleurs, donc on s'en fichait un petit peu. J'ai peut-être oublié le début de votre question, mais en tout cas, il y avait une ambiance, de répression, d'incompréhension. Ça, ouais. Parce qu'on avait peur du crack, c'est ça? On avait peur des drogues qui allaient avec? Des drogues. Je pense aussi que la France, vraiment, que ce soit la France rock, la France funk, tout ça, n'aimait pas la techno, que ce soit pour les drogues, des fois aussi associées à l'homosexualité, pour la house, je sais pas, il y avait des trucs un petit peu macho, un peu de bête, un peu c'est pas de la musique, des réflexions comme ça. Et puis de l'autre côté, les autorités, évidemment, c'était quand même très drogué, je veux pas dire non plus l'inverse, donc ça leur faisait peur de voir cette nouvelle culture qui débarquait. Quoi. Donc, alors c'est quoi ces soirées Respect? Ça c'est formidable. 96, vous avez organisé des soirées mythiques dans le monde de la musique. Vous avez invité les Daft Punk, qui n'étaient pas connus, connus en 96. Alors, ces soirées. Personne n'était connu. C'était quoi ces soirées? On était deux, trois. Vous avez parlé des fêtes Xanadu tout à l'heure. On était trois personnes, dont l'organisateur de ces rêves, entre guillemets, qui s'appelait Fred Agostini. Jérôme Vigée-Colère, qui travaillait à Radio FG, l'autre radio importante pour cette musique-là que Radio Nova. Moi, j'étais à Radio Nova. Et on n'avait juste pas de soirée qui nous plaisait en France. C'est-à-dire que c'était soit très techno, très rêve. Nous, ça faisait des années qu'on avait écouté ça, on avait envie d'autre chose. Soit les clubs étaient un peu les clubs disco à la papa, je dis ça sans être méchant. Et on avait besoin de quelque chose de nouveau. Et le Queen, qui était un gros club gay, nous on n'était pas gay, mais un club gay sur les Champs-Élysées, nous ont dit écoutez, les mercredis, nous il n'y a personne, on a besoin de gens, pourquoi ne ferait pas une soirée gratuite? Et on s'est dit ouais. Et puis la première, on a invité les Daft Punk, Rosé Padilla, un DJ mythique d'Ibiza. Et on était vraiment tout, on avait 25 ans de moyenne, notre public avec 25 ans. Et de manière vraiment personne ne s'y attendait, ça s'est mis, il y avait 2000 personnes à la première. Et là, on a fait des soirées au fur et à mesure dans le monde entier, jusqu'en Australie, enfin partout. On avait des résidences à New York, à Copenhague, quand je dis des résidences, c'est une fois par mois, à New York, au Twilo, qui est un club énorme, à Copenhague, à Bruxelles, à plein d'endroits. Et ça a duré quelques années jusqu'à ce qu'on en ait marre, grosso modo. Vous avez fait le tour du monde? On a fait le tour du monde plusieurs fois, oui. Bah, bien, dites donc. On va parler des influences musicales, c'est important, de la même façon que les Stones puisent dans le blues, nos amis de Daft Punk puisent dans un océan de musique et notamment la pop. Alors, en 2007, ils étaient invités de Didier Varro sur France Inter, alors Didier les comparait à Andy Warhol ou aux Beach Boys. Et c'est Thomas Bangalter qui répond, on écoute, on en parle après. c'est vrai qu'on voit la place des Beach Boys d'une certaine façon comme le boys band ultime de l'Amérique, comme ça, des années 60, qui est extrêmement populaire, exposé, commercial, avec en même temps Brian Wilson qui s'avéra être un des producteurs, un des plus grands expérimentateurs des années 60, à la fois comme s'il y avait une coexistence des deux, d'une société de consommation comme ça, l'industrie du disque, et à la fois d'une vraie expérimentation musicale presque absolue et très très très radicale. Et c'était quelque chose de pas prévu. Nous on a toujours été centré sur notre processus créatif en faisant abstraction de tout ça, en abstraction de la hype, du buzz, de l'underground, de la célébrité ou de la reconnaissance ou populaire ou underground, et en essayant de continuer à innover et à avoir l'impression de faire des choses artistiquement intéressantes à nos yeux et à nos oreilles. On les écouterait des heures. Ah ouais, qu'est-ce que c'est intéressant. Il est plus disert, Thomas, que Emmanuel. Surtout ce qu'il dit est vraiment très intéressant. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pensé, c'est très, très, très réfléchi, ce qui n'empêche pas de la sensualité dans la musique ou de l'improvisation, mais c'est vrai que c'est très... Il y a un cerveau. Enfin, il y en a deux, je veux dire. Il y en a deux, mais c'est assez cérébral. C'est très cérébral, on peut le reconnaître. Et donc, sur les sources d'inspiration... Beach Boys, vous savez, sur le premier album, il y a un morceau qui s'appelle Teachers, donc les professeurs, parce que tout le premier album, Homework, c'est les travaux à la maison. La pochette intérieure, c'est un bureau de collégiens qui est en train de travailler. Donc on voit, ils se mettent en scène en tant que gamins qui apprennent la musique. Et dans le morceau Teachers, ils citent tous les DJ phares de Chicago qui sont complètement inconnus en France à l'époque. Donc c'est une liste de noms. Mmh. Dans cette liste de noms, il y a 2-3 personnes qui appartiennent pas à la planète techno et house. Et il y a Dr. Dre de mémoire et il y a Brian Wilson, qui est vraiment étonnant des Beach Boys. Hein. C'est comme la pochette de Sgt. Pepper's des Beatles. Oui, il y a des citations, exactement. Et surtout avec tous ces visages, bien sûr. Un peu plus ou moins inspirants. Mais donc Beach Boys et vous m'avez dit Dr. Dre pour le son hip-hop. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, la France, je pense qu'Internet a cassé ça. Hein. On est très en chapelle. Donc les gens qui écoutent du rap n'écoutent pas de la house, qui n'écoutent pas du rock. Tout ça est idiot. Et je sais que nous, à respect, et les Daft Punk à fond, on écoutait de tout. Il n'y avait même pas une question de ne pas écouter un truc qui est numéro 1 du top 50 ou numéro 1000, un truc qui est classique. Aucun problème à tout écouter, à tout digérer. Et il y a des choses intéressantes partout. Ça, ils ont toujours. Et alors, vous avez dit Warhol. Moi, je vous dis Kubrick, Brian Wilson. La Factory Kubrick pour le côté je me cache. Oui, c'est ça, le côté très, très, très cérébral et très je me cache aussi, ouais, quoi. Il y a ces deux choses. Quoique bon, Kubrick, c'est pas pour éviter d'être une pop star. C'est pour éviter. Il y a aussi ce truc de la musique qui renforce encore plus. Kubrick n'était pas non plus dans des clips tous les jours. Il n'aurait jamais été de toute façon reconnu par des gens dans la rue tant que ça. Mais eux avaient ce risque assez dur à vivre, quoi. Alors, il semble qu'on apporte dans cette culture-là, culture musicale, un soin particulier aux pochettes de disques. Bien sûr. Pourquoi? Alors, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que nous, quand on faisait les compiles respect, on était signé Astral Vert, donc Virgin aux États-Unis, comme les Daft, il me semble. Et c'est vrai que le boss, vous avez fait référence à ce reportage de Voyage Spécial, où on voit un type d'Astral Vert, ce qu'il dit, et moi, j'avais pas remarqué à ce moment-là, il dit le truc le plus fort chez vous, les Français, c'est vos visuels. Et c'est vrai que la French Touch, s'il y avait un début de French Touch, dans les années 80, je pense que musicalement, on n'arrivait pas à s'exporter. Par contre, on avait déjà Mondino, Jean-Baptiste Mondino, on avait déjà, j'ai oublié des noms, mais il y en a une demi-douzaine de gens, après Michel Gondry, etc., etc., qui faisaient que la France était reconnue à l'international pour nos visuels, pour nos clips. Donc on avait déjà ça en nous. Et je pense que c'est vrai que nous, à Respect, on a vraiment bossé la communication. Super Disque Étienne de Crécy, c'était des pochettes incroyables réalisées par le collectif H5. Je peux pas dire pourquoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'on était plus intéressés et que dans la house et la techno, il y avait une tendance à ce qu'on appelait la pochette complètement anonyme, ce qu'on aimait. Hein. Il y avait rien écrit dessus, ça nous inspirait aussi. Mais il fallait jouer un petit peu sur les visuels. Et quand on monte pas son visage et qu'on a une musique où il y a pas de paroles, les visuels sont évidemment centraux. Alors, à la fois underground et grand public, on peut dire ça, je crois. Est-ce que, si on peut le dire, est-ce que c'est ça qui a fait des Daft Punk ce qu'ils sont devenus, ce grand écart qui a été fédérateur? Oui, probablement. Moi, je dis souvent, je ne sais pas si c'est une phrase qu'ils reprendront, mais je dis que le plus intéressant, c'est le numéro 1 et le numéro 1000 du top 50, et puis après, entre les deux, on verra. Donc, je vous ai dit, ils ont les oreilles qui s'ouvrent sur tout, ce qui ne veut pas dire qu'ils apprécient tout ce qui est numéro 1, surtout en France, dans les années 80, on était loin d'apprécier tout ce qui était numéro 1. Bon, alors, dernière question, évidemment, incontournable. Pourquoi cette séparation? Moi, j'ai été, pas étonné, mais interpellé par tout le foin que ça a fait, quoi. C'était formidable. C'était vraiment un grand événement, quoi. Ben, c'est pourquoi vrai. C'était... Alors, déjà, c'est légitime. Mmh. Mais pourquoi? Pourquoi cette séparation? Alors, pourquoi? La raison exacte, je la sais pas, si tant est qu'il y en a une, hein. Il peut y avoir des frictions entre eux. Moi, j'ai essayé d'éviter de leur prendre la tête avec ça, donc je saurai plus tard, j'aurai peut-être des détails, mais pour l'instant, je cours pas derrière l'info. Non, mais c'est vrai que le groupe a démarré, c'était le petit groupe, on était 50 à connaître. À la fin de l'histoire, ils sont aux Grammy Awards, où il y a Paul McCartney, il y a Jay-Z. Je pense, à la fin, sans blaguer, je pense que même le pape sait qui sont les Daft Punk. Ce qui est quand même complètement dingue. Quand moi, je me rappelle d'un truc, on disait, oh, c'est le meilleur groupe techno de France, on voit le chemin parcouru. Bah, pourquoi, quand on a fait une boucle où on a été très innovant à 20 ans et puis à 45 ans, on refait un album où on refait son enfance, où on rappelle ses musiciens de son enfance, c'est comme une boucle est bouclée. Le disque qu'ils ont, mais moi j'adore hein, Random Access Memory, mais dans les années 90, ils n'auraient jamais fait ce disque. Il y a eu une évolution. Que faire après? Je pense, j'adore ce groupe, je les adore de toute façon, oui, mais ils auraient été encore plus géniaux et malheureusement, ils sont humains après tout, ils auraient été encore plus géniaux s'ils avaient fait un album révolutionnaire après et je pense que malheureusement, c'est compliqué. Sait-on jamais. Enfin, jamais. Apparemment non, mais sait-on jamais. Merci infiniment. Merci à vous. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Daft Punk donc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Sestiaga.